Section 59 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Heidi Quist. La lecture, tome 3e, section 59. Lettre à Simon par le vicomte de Borély. À Monsieur François Coppet. L'autre jour, l'un de nous fut passé par les armes. Il fallait, paraît-il, un exemple au conseil. Pris, jugé, condamné, fusillé, pas de larmes. La chose est militaire et d'un bel appareil. Au milieu du carré, parmi tous les vacarmes qu'on fait aux généraux dans les matins vermeils, l'homme s'est avancé, mené par les gendarmes, qui l'ont laissé tout seul, debout, en plein soleil. C'est court. Un sabre en l'air. Feu, beaucoup de fumée, une masse, le nez par terre, inanimé. Le coup de grâce et puis du sang, très peu qui sort. Aussi fut fait, on a recouvert le visage d'un mouchoir, nous avons défilé, c'est l'usage, et nous sommes rentrés, contents, il est bien mort. Fin de section 59.